Québec vont démarrer ce soir à Drummondville avec la cérémonie d'ouverture. Et comme on le fait à tous les Jeux, dans le Radio-Sport, on aura des reportages à tous les jours et on s'en va de ce pas rejoindre l'agente des communications pour la délégation du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une des agentes, Lydia Dallaire. Bonjour Lydia. Salut. Lydia, d'abord, c'est le premier soir qu'aura lieu les Jeux du Québec à Drummondville. Quelle est l'ambiance jusqu'à maintenant? Mais l'ambiance est super le fun. C'est sûr que les gens sont fébriles. Ils ont hâte que les athlètes arrivent. Ils commencent à arriver depuis ce matin. Nous, c'est dans les prochaines minutes qu'ils vont faire leur arrivée à Drummondville. Mais l'organisation a travaillé fort. Les bénévoles sont souriants. Puis ça paraît qu'ils sont contents de nous voir. Est-ce qu'on a un petit peu une idée des cérémonies d'ouverture de ce soir? Ben, on n'a pas vraiment de détails, nous laisse la surprise, mais on sait que c'est à 19h ce soir au centre Marcel Dionne. Si ça vous intéresse de voir ça, bien, c'est web diffusé. Vous avez qu'à aller à 2015.jeuxduquebec.com pour avoir tous les détails pour la web diffusion. Mais on a fait nos petites recherches, puis on sait que les artistes qui viennent d'ici, c'est Caïn, Trois Accords et Brigitte Boisjoli. Donc, peut-être qu'on pourrait leur voir le bout du nez sur la scène, mais on n'en sait pas plus. Lydia, également, les athlètes, tu me l'as dit, les athlètes arrivent ce soir. Si on parlait un peu de la première compétition qu'aura lieu demain, la première journée de compétition, qu'est-ce qu'on peut surveiller? Ben, demain, tous les sports vont être en compétition, sauf ceux qu'on n'a pas d'athlètes de la région, dont le karaté, l'escrime et le basketball en fauteuil roulant. Mais sinon, le boccia, le curling, la gymnastique et tous les autres sports vont compétitionner demain. On s'attend évidemment au curling avec. On sait que c'est Daniel Gagnon de Dolbeau-Missassini qui est là, qui représente la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. En patinage de vitesse sur contre-piste, ça va commencer quand, hein? C'est en courte piste, je ne sais pas exactement. Je sais qu'ils compétitionnent demain, je ne sais pas encore quelle épreuve, mais on a un espoir de médaille de ce côté-là, peut-être en curling féminin, en ski de fond et en haltérophilie. Lydia, on sera là évidemment à tous les jours. On rappelle évidemment que les gens qui veulent voir ces cérémonies-là, c'est web diffusé. Rappelle l'adresse du site Internet. Oui, eh bien, vous pouvez aller sur 2015.jeuxduquebec.com. Sinon, Janie a fait un bel article sur le site Internet du RLS. Là, vous avez aussi tous les détails pour tous les Jeux du Lydia, Québec. toi, évidemment, on connaît Jeannie Maltin. Tu trouves être un petit peu l'adjointe à Jeannie? Oui, exactement. Moi, je suis l'adjointe à Janie. J'étudie en ATM en radio. Je suis finissante et c'est ma deuxième participation aux Jeux du Québec en tant qu'adjointe à Janie aux C'était toi qui communications. étais là, je pense, avec Jeannie. Si je me rappelle bien, c'était l'an dernier à Longueuil, c'est ça? Oui, cet été à Longueuil, c'est moi qui étais présente avec elle. Lydia, on s'en reparle demain. Voilà, Lydia Parfait. Dallaire, en direct de Drummondville pour les Jeux du Québec.